On est super contents et contentes d'être là. Toutes et tous les quatre, on fait partie d'un collectif qui est beaucoup plus nombreux que nous. On est une trentaine et ça s'appelle Jeff Clack. Jeff Clack qui veut dire monsieur et madame tout le monde, madame Michu, comme vous voulez. Mais en flamand apparemment, mais c'est peut-être même pas vrai que ce soit en flamand. Donc nous, on existe depuis 2013 et on fait notamment des revues. Il y a 6 numéros maintenant. Ouais, peut-être que si vous voulez les prendre en main, les regarder. Alors c'est des revues avec un CD de création sonore. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Peut-être qu'on se présente un petit peu plus sur... voilà, on est, comme je disais, une trentaine de personnes. Et on vient d'horizons très, très différents. C'est-à-dire qu'il y a parmi nous des chômeurs, des chômeuses, des libraires, des gens qui venaient du milieu plutôt militant, d'autres qui venaient de la radio, aussi de la création sonore. Et quand on s'est retrouvés en 2013, on ne se connaissait pas tous, mais on savait qu'il allait se monter justement une revue et avec une partie sonore. C'est-à-dire que le son est d'emblée ici. Et pourquoi on fait cette revue ? C'est parce qu'on voulait mêler critique sociale et expérience littéraire, sonore, artistique. Voilà, mêler un petit peu les deux. Je ne sais pas si vous voulez un peu continuer. Du coup, dès l'origine, effectivement, ça a été pensé comme ça. Le collectif s'est dit qu'il fallait qu'il y ait du son au même titre que du texte et du travail graphique et d'image qui est aussi très important dans Jeff Clack. Donc voilà, donc depuis le début, il y a un CD. On est un groupe à géométrie très variable au niveau du son. On vient de tous de milieux assez différents. On fait soit plus de la radio, soit plus de la performance, soit plus de la musique. Pour le spectacle vivant, ça dépend des contextes. Et voilà, depuis le premier numéro, donc parce qu'en fait, juste par rapport à Jeff Clack, le prétexte un petit peu de constitution des numéros, c'est ceux qui ont le premier numéro, c'est Marabout. Le deuxième, tu l'as pas dit ça, Aude, hein ? Non, je l'ai pas dit, on peut le dire. C'est le concept de la cantine trois petits chats. Donc le premier numéro, c'est Marabout. Le deuxième, bout de ficelle, celle de cheval. Voilà. Là, on est en train de travailler sur Terre de Feu en ce moment. Donc le dernier entre vos mains, c'est Pied à Terre, du coup, celui qui est orange. On va diffuser pas mal d'extraits aujourd'hui. Donc c'est un énorme travail, vous imaginez bien, qui est entièrement bénévole, puisque là vous les avez entre les mains, c'est quand même un peu des petits bottins. En moyenne, ça fait 250 pages. Donc on met environ un an, un petit peu moins, mais à sortir un numéro. Sauf le premier numéro, on a mis 2 ans pour le sortir, oui. Puisque c'était le premier et ça a mis beaucoup de temps. Bah, on cherche tous ensemble quel papier on utilise, quel typo, quelle couve, de quoi on va parler. Évidemment, c'est les thématiques. On en discute en assemblée générale, donc on se réunit en assemblée générale pour se dire, bah voilà, Marabout, c'est quoi ? Bah, on a quand même fondé le collectif avec Marabout, c'est-à-dire travailler la question de la croyance, croire et pouvoir. Bah, dans un collectif, je pense que ça fait bouger pas mal de choses. Et l'idée, c'est d'aller se déplacer, d'aller voir, grâce à cette comptine, sur des terrains sur lesquels on n'aurait pas forcément été de prime abord, et toujours avec l'idée de mêler politique et poétique. Où est-ce que ça se... Voilà, comment ça circule ? Et on trouve toujours un point d'accroche comme ça. Par exemple, sur celui que vous avez, la selle de cheval, qui est le rapport entre les hommes et les autres animaux, on a vraiment axé sur brider, débrider. Comment on va, voilà, on travaille toujours par contraste comme ça. Oui, il y a toujours un couple de termes qui viennent articuler un peu, resserrer un peu l'angle du numéro qui peut être potentiellement très très très large. Et tout en gardant de la liberté, ça permet un peu de trouver un axe commun aussi pour faire conjuguer tout ça, parce que c'est plein de formes. Plein de cerveaux qui se mettent à réfléchir ensemble. Enfin, ouais, voilà, du coup, il y a cette espèce de contrainte qui défile à chaque fois avec les nouveaux numéros. Donc, ce que nous, on appelle le thème, en fait, au l'expliquer, c'est traité collectivement. Et c'est une des caractéristiques de Jeff Clack aussi, en fait, c'est l'idée que donc, c'est un collectif horizontal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de personne qui décide. Et du coup, les enjeux, c'est effectivement, comme dans tous les collectifs horizontaux, bah, comment on prend des décisions, comment on décide de vers où on va, comment on se parle, comment on s'écoute. C'est des enjeux pour nous qui sont majeurs, hein, notamment dans la création collective, en fait, comment on peut produire des œuvres, produire des objets culturels sans avoir des chaînes de hiérarchie entre nous, c'est-à-dire sans voilà, telle personne a tel rôle, telle autre personne a tel rôle, mais plutôt en réfléchissant aux volontés des gens. Donc on l'a dit, tout le monde est bénévole. Bénévole, ça ne veut pas dire que les gens ne travaillent pas. Enfin, comment dire ça? Au contraire, ça veut dire que les gens choisissent leur niveau d'implication. Et donc ça, voilà, pour nous, ça nous paraît très important. Alors, il y a évidemment déjà le plaisir et l'enjeu de faire un travail en collectif. Parfois, cette route d'arriver à produire quelque chose ensemble est limite plus intéressante que le résultat en lui-même. En tout cas, le résultat n'est pas l'unique objectif. On n'est pas là pour arriver à faire un CD, pour arriver à faire une revue, pour arriver à faire un site. Mais on est aussi là pour essayer de le faire un peu intelligemment. Et ouais, voilà. Enfin, qu'est-ce que c'est travailler à plusieurs, fabriquer à plusieurs. Et ça, je pense que, enfin, pour faire une légère digression, si vous m'autorisez, une légère digression sur peut-être le mouvement social qui se déroule en ce moment. Allez, c'est le point mouvement social. Effectivement, il y a la réforme des retraites, il y a les gilets jaunes, il y avait Nuit debout, etc., etc. Donc, il y a des réactions par rapport à des lois qui sont mises en place. Mais on sent aussi qu'il y a une envie d'abolition de Macron et son monde, et une envie de finalement avoir un système qui fonctionne autrement. Et pour nous, c'est un petit peu ça aussi, travailler collectivement de manière horizontale, c'est mettre en place des relations sociales de production, de travail, de réflexion, qui peuvent être des relations qui amènent à des choses, qui sont les débuts en fait de l'autogestion, de l'autonomie, et qui peuvent aussi amener ensuite à réfléchir sur comment structurer le monde du travail, du capitalisme autour de nous aujourd'hui. Ouais, du coup, c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, en réfléchissant à cette fenêtre qui nous était proposée là, de venir vous présenter et le collectif et notre pratique sonore, on s'est dit que le truc le plus évident, c'était de pouvoir... les extraits qu'on va vous faire écouter, c'est vraiment très lié à la pratique sonore collective qu'on a, parce qu'en fait, on ne fait pas tout collectivement non plus. Là, pour rester vraiment dans le cadre du groupe son et des histoires de différents modes de récit qu'on a mis en jeu dans les différents numéros, à chaque fois, on n'a pas forcément fait que des pièces collectives. Par contre, à chaque fois, on essaye de décliner ce travail collectif quand même d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, donc on va vous faire écouter plusieurs extraits de plusieurs pièces qui nous ont fait travailler collectivement. Alors, on va commencer peut-être par la première expérience de réalisation collective qu'on a faite, qui est un gros morceau. C'est une fiction qui s'appelle Pour qui chante le coq, et une fiction de à peu près 45 minutes. Donc, faut imaginer le contexte. On est tous, comme je vous le disais, bénévoles. On était 9 à faire ce. Parce qu'en fait, je vous dis où on était, parce que le groupe son, c'est tout le temps des gens différents. Enfin, c'est des gens différents. Avec Émilie, on est là depuis le début, quasiment. Mais il y a tout le temps des nouvelles personnes, nouvel appel d'air, ça change. Et surtout, on définit à chaque fois notre projet sonore en fonction des gens qui le composent, et ce sera jamais exactement la même chose. Au tout début, on faisait un CD et avec une succession de différentes pièces sonores. Et là, on s'est dit, mais on a envie de tout mettre à l'horizontale, on va tout faire ensemble. Et voilà. Et là, l'envie, c'était d'écrire une fiction ensemble, de la tourner ensemble jusqu'à la réalisation sonore. Donc, c'était un gros, gros morceau qui nous a bien éprouvés. C'est éprouvant parce qu'on n'a pas de moyens quand on fait ça, qu'on fait ça sur des temps hyper courts, on cherche des lieux de tournage à l'arrache. Enfin voilà, ça a été un petit peu rude. Et là, donc c'est pour celle de cheval, c'est donc le rapport entre les hommes et les autres animaux. On s'est dit, on fait une fiction. Et là, on imagine, on est dans une petite ville qui s'appelle Alligator Wine. C'est un rodéo, quoi. Enfin, c'est un western. Pardon, pas un rodéo, mais un western sonore. Et on se dit, un matin, les gens dans ce village se réveillent, il n'y a plus d'animaux. Et voilà, on va vivre comment sans les animaux. Et voilà, et là, on est à un moment, on est quasiment au milieu de cette pièce. Et vous allez voir, parce qu'on travaille différents modes d'écriture, donc vous allez peut-être être un peu dérouté. Mais peut-être qu'on en parle juste après. On l'écoute. Ça vous va? Okay. Comme sel. Donc on utilise à peu près le même matériel quand même. Hein. Bon, souvent par contre pour monter dessus on prend la selle ouest. Voici Manou. On est un peu plus calé, mais là on va pas monter. Manou dresse les chevaux. Façon western. Ça, on va juste lui apprendre à supporter une selle et un filet. Ce poignard sans, il n'a pas trop envie qu'on lui mette un

Backing 30.688, turning 3. 30.688, turning 3. À Alligator Wine, les esprits n'étaient pas tous à la fête. Voilà, bon, la suite au prochain épisode, si vous voulez continuer à savoir l'histoire. Là, c'est un extrait qui est révélateur aussi du mélange un peu des régimes d'écriture qu'on avait tenté d'avoir. Et ça me fait réaliser que c'est peut-être un truc de base qu'on n'a peut-être pas dit, mais que ça correspond aussi à une volonté générale de Jeff Clack, le collectif, dans ce qu'il travaille comme écriture, de faire montage. On dit souvent ça. Ceux qui font partie du comité éditorial et qui travaillent le papier et l'écriture textuelle, ils disent aussi souvent ça, de la même manière que pour ceux qui ont pu un peu feuilleter, vous pouvez vous apercevoir que les images ne sont pas forcément toujours corrélées directement aux articles et qu'il y a comme ça tout un travail de lien un peu distendu que le lecteur peut faire lui-même. On sait très bien que le son permet ça aussi et que c'est aussi un espace mental qui permet de se créer ses propres liens. Enfin voilà. Et c'est vrai que dans cette fiction-là, on s'était dit qu'on avait très envie, et c'était judicieux comme choix d'extrait, Haute, parce que non, mais en fait le côté mélange de docu et de fiction, c'est peut-être dans cet extrait-là que c'est le plus révélateur. Et puis vous avez pu entendre la fiction Taureau de Boris Norman, qui est quelqu'un qui existe réellement, qui est un chorégraphe qui est basé à côté de Marseille et qui, entre autres choses, hein, parce que c'est quelqu'un qui fait plein de choses, mais qui développe comme ça des fictions, ce qu'il appelle des fictions corporelles. Et on est une membre du groupe Son sur ce numéro-là le connaissait bien et on lui a dit mais le Taureau, ça t'intéresse de... Enfin, c'est lui d'ailleurs qui était parti sur le Taureau tout seul. Donc, non, on lui a demandé, en fait, on lui a demandé de travailler sur le Taureau. Ah oui, c'est ça. Donné que effectivement, on a besoin de faire un rodéo, mais il n'y a plus d'animaux, donc c'est on ça. Fait comment ? Donc c'est là, c'est Boris qui nous a écrit la fiction corporelle. Qui a écrit la fiction, qu'on a enregistrée, et voilà. Et du coup, il y a aussi des prises de son documentaires dans un haras, enfin voilà. Et puis, vous avez pu entendre aussi le côté texte et voix off, enfin, puis bon, sans s'étendre trop sur Pour qui chante le coq, je crois que cette pièce-là, pour nous, c'était un peu le plus absolu du travail collectif qu'on pouvait tenter, et donc ça, avec toutes les difficultés que ça peut comporter, mais c'était très intéressant à vivre, assez douloureux à certains moments, parce qu'en fait on avait vraiment décidé que du scénario au mixage on faisait tout nous-mêmes et tout seul. Tous ensemble, pas tous nous-mêmes, tous ensemble. On a écrit le scénar, on a tout tourné ensemble en se répartissant les rôles quand même, mais ça circulait entre les fonctions. Enfin, on s'est vraiment pas rendu la vie facile. Donc, surtout qu'on a eu que deux week-ends de tournage. C'est ça, on a eu deux week-ends de tournage. Il y avait des comédiens et comédiennes professionnelles pour la plupart, et qui venaient gracieusement aussi. Donc nous, on se disait bon, vraiment qu'on fasse tout pour que ça se passe très bien, avec des lieux de tournage qu'on avait au dernier moment. C'est ça. C'était un énorme travail. On a failli imploser en vol, mais on s'en est finalement sorti. Mais ça a été vraiment un gros boulot. Et il y en a qui ont fait une pause après, parce que vraiment. Mais voilà, c'est hyper intéressant de dire ça aussi, parce que c'est un peu les limites de tout ça. Et en même temps, quand je disais on a tout fait tout seul, c'est pas complètement vrai, parce que il y a eu Elodie Fiat qui est bruiteuse, qui a filé un coup de main sur la fin. Il y a eu un guitariste qui a composé une partie musicale. Enfin voilà, tout le monde a vraiment beaucoup donné de soi là-dedans. Et on s'était un peu dit que c'était un peu la grosse production Jeff Clackienne et qu'on referait pas ça, quoi. Mais on prend plaisir à réécouter aujourd'hui. Et après, on s'est beaucoup posé de questions si on pouvait pas faire les choses différemment. Donc forcément, les autres numéros, on a fait différemment. Et on est reparti ailleurs. On continue peut-être parce que l'heure tourne. On a un peu décidé de se focaliser sur les deux grosses productions qu'on avait fait ensemble collectivement. Donc entre ce moment-là de celle de cheval, on a eu cheval de course ou course à pied. Là, juste pour vous dire, on a fait un CD avec des fois des petites formes de création collective, mais entrecoupées. On a vraiment travaillé ensemble la circulation des CD, on en parle après. Et là, on va vous parler de la dernière expérience collective qu'on a faite ensemble, qui n'a rien à voir avec celle qu'on vient de voir. Voilà, je faisais juste le lien. Ouais, donc ce numéro, il s'intitulait Pied-à-terre même avant qu'on le conçoive, puisqu'on suit la comptine. Et que du coup, on a malaxé le thème comme d'habitude et on a produit ces trois thématiques principales qui étaient la première, le colon qui met le pied-à-terre pour venir conquérir une nouvelle terre. Habité ou inhabité, le pied-à-terre immobilier, le lieu de passage dans lequel on vient temporairement, et le pied-à-terre, le moment aussi où on se pose et on se regarde un petit peu dans le blanc des yeux. Et du coup, ça nous a donné, ces trois mots, en fait, arriver, revenir, se poser, qu'on a détaillé selon un petit texte que je vais vous lire. Arriver, on met pied-à-terre et le voyage prend fin. Le contact avec ce territoire, à découvrir ou à spolier, signe le début d'autre chose. Une conquête, une prise de repère, un nouveau départ ou un massacre. Jamais tout à fait immobile, ni parvenu, on est toujours et pour longtemps encore en train d'arriver. Avec une question en tête, dans quoi ai-je mis les pieds ? Revenir. Le pied à terre, c'est le chez-soi qui peut être précaire, le quotidien sous le régime de l'intermittence. Un point fixe dans la tourmente, un repère pour reprendre des forces, une retraite pour mieux repartir, un lieu où l'on sait que l'on pourrait revenir. Comment se l'approprier quand on ne peut que périodiquement l'habiter ? Se poser, on arrête tout et on réfléchit. Parce qu'on ne sait plus vraiment ce qu'on fait, qu'on aimerait pouvoir s'extraire un temps, se retourner et observer. Mais c'est un leurre, rien ne s'arrête jamais. On fait pause et c'est déjà la suite qui se prépare. Alors, si ce répit n'en est pas un, comment connaître, transmettre et transformer un fonctionnement collectif ? Donc là, ce que Nicolas vous a lu, c'est un texte qui a été produit collectivement. Enfin, c'est vraiment pour vous montrer un peu le travail du thème qui infuse dans le collectif lui-même. Et à partir de là, peut-être qu'on peut continuer effectivement sur comment nous, on s'est emparé de ça au niveau du son. Sur cette pièce-là. Ouais, en fait, on était parti d'un texte très aride, très technique, un texte militaire et très littéral, poser le pied à terre. C'était un texte militaire du 18e, il me semble, qu'on a pris vraiment de façon hyper littérale comme une matière. Ce qu'on avait prévu de dire avant l'extrait, c'était peut-être que du coup. Je pensais qu'on allait écouter, c'est pour ça que je suis troublée. Mais... Qu'en fait, on s'était dit qu'on allait faire une pièce matrice, une espèce d'œuvre matrice collective, et autour de laquelle se déploierait un certain nombre de pièces satellites, constellations. Donc c'était notre belle utopie de départ. Et effectivement, il y avait ce texte militaire qui nous plaisait bien, parce qu'en fait, à la fois, pied à terre, toutes les expressions viennent de ce geste militaire, en fait, qui est le fait de poser le pied à terre. Et aussi, du coup, comme il était très technique, finalement, il ouvre plein de potentiels imaginaires, un peu dans toutes les directions. Donc, par exemple, on peut passer cet extrait qui était déjà une des premières matières qui avait été produite dans ces idées de pièces satellites. Moi, j'aimais bien que tu te dises que ça parte au commencement. Parce qu'au commencement... Était un commandement. On part sur un point d'accord, on dit il y a un commencement. Mais la vie, c'est ça aussi, je veux dire, on dit il y a le Big Bang, bon. Avant, il y a pas d'avant. Je vois la bactérie qui émerge de l'eau et qui pose la patte sur le rivage, tu vois, je vais devenir un animal terrestre. Au commencement, pied à terre. Mais du coup, c'est ça qui est paradoxal, c'est que le pied à terre n'est pas encore à terre. Il va l'être qu'au bout de toute une série de... d'actes à effectuer. Dans un certain ordre. Ce que je trouve très beau dans ce que tu disais, que c'est une suite d'actions dans un même ordre, très millimétré. Même s'il n'y a pas de timing, hein. Il y a très peu d'indications de timing. Mais c'est d'imaginer que, comme ça doit pouvoir être fait des deux côtés, on pourrait imaginer deux personnes qui font exactement la même chose, mais en miroir.

Mais c'est peut-être une nécessité en fait. Peut-être qu'il y a des... peut-être que c'est des... Et comme on peut revenir sur le cheval, hein. Donc c'est peut-être aussi de dire qu'il y a des allers-retours à faire entre des moments de fusion. On peut revenir de l'autre côté. Voilà. Il faut savoir revenir de l'autre côté. Il faut savoir s'autonomiser. Il faut savoir revenir, mais pas n'importe comment. C'est pas justement pour pas se faire de mal à soi-même et à l'autre. Il y a tout un processus pour se détacher en douceur et pour revenir. Mais peut-être que c'est le début de la fin du lien avec le reste du monde. Moi, je suis très inquiète par ce texte. C'est l'individu atomisé. C'est le récit d'une chute. C'est le récit d'une chute. Mais, et du coup, on ne sait pas ce qui se passe après, c'est blanc. Et alors finalement, le commandement, tout d'un coup, ça devient un commandement biblique à mes oreilles. Au commandement, tu te sépareras de ton cheval. Alors ça, c'est un extrait qui est une cogitation philosophique de deux d'entre nous. Qui était une façon de faire des matières avant de se retrouver, parce que pour le coup sur cette pièce-là, on s'était dit on avait 3 jours qui étaient possibles dans un lieu qui s'appelle un lieu pour respirer au Lila à côté de Paris, et on avait envie de faire plein de matières collectivement, et là pour le coup mélanger nos pratiques musicales, radiophoniques, textuelles, d'impro et tout ça. Donc on a passé 3 jours à faire des matières tous ensemble, on était hyper contents, hyper... Et alors, c'est pas pour vous raconter que les expériences compliquées de Jeff Clack, parce qu'il y en a aussi plein des super harmonieuses. Et d'ailleurs, au final, on s'en est bien sortis. Mais si on vous fait écouter cet extrait-là aussi, c'est parce qu'il y a une dimension réflexive sur ce qu'on a voulu faire. Et que finalement, on n'a pas réussi à faire de CD pour ce numéro-là. Et j'en dis pas beaucoup, parce qu'on va vous faire écouter l'extrait suivant qui va aussi illustrer ça. Mais on s'en est sorti par une pirouette, parce que finalement, ce pied à terre, pour le collectif en général, c'était une façon de se mettre en suspens aussi. Et Nico l'a lu dans le petit texte, le se poser, il y a aussi ça. Il y a essayer de prendre 2 secondes de chant et de réfléchir sur nos pratiques et que, comment on fait. Et donc, le numéro dans son entier a une grosse part d'auto-enquête sur qu'est-ce que c'est qu'un travail collectif. Ce qui a été, je crois, hyper intéressant, et pour le collectif, et on s'en rend compte au fur et à mesure des rencontres qu'on fait dans les différentes librairies et lieux. Vous verrez, il y a des cartes magiques avec des fonctions, il y a le Zébulon, bref. Donc on espérait très fort pouvoir parler, pas seulement de nous-mêmes, mais du travail collectif en général. Et du coup, voilà, ça faisait partie de ce genre de démarche de, bon, alors on réfléchit sur ce texte, donc on s'enregistre faisant ça, etc. Et on n'a pas tenu les échéances de gravage, de pressage, de CD. Mais on s'est dit, eh ben du coup, faisons une pièce sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenu les échéances et qu'est-ce que ça signifie sur notre façon de travailler collectivement. Donc c'est une pirouette, mais en même temps, qui est vraiment portée par un vrai truc narratif, esthétique, et qui correspond au sens que le collectif dans son entier a donné au numéro. Et donc ça s'appelle « Sinon, on dit qu'on s'est fait piquer le CD, la pièce ». Et donc celle-là, elle est... en ligne sur le site internet, parce que Jeff Clack, c'est aussi un site internet. La revue, c'est une micro parenthèse, la revue travaille sur le temps long, puisqu'on met 1 an à la sortir et qu'on creuse vraiment ce thème pendant longtemps. Et il y a un site internet qui, lui, est beaucoup plus relié à de l'actualité fraîche, entre guillemets, et développe des contenus hebdomadaires. Voilà, ça c'est pour jeffclack.org, c'est quand même un pendant important. Voilà, donc on avait envie de vous faire écouter une deuxième extrait, les camarades, vous me dites si je... 20 avril. Chers copains et copines de Jeff Clack, je viens de rater un train pour cause de semaine beaucoup trop chargée. Et je crois que ça illustre un peu mon rapport au collectif. Malheureusement, je ne pourrai donc pas venir à Cholet. J'en suis vraiment désolé, car c'était LA résidence à laquelle je pouvais participer et avancer avec vous sur notre CD pied à terre. Je me réjouissais de vous voir, d'enfin vous rencontrer pour certains, certaines, de travailler collectivement sur le son et sur le reste. Je n'arrive pas à gérer un fonctionnement collectif qui repose sur tant de communications par mail. L'autre jour, j'ai reçu 60 mails de Jeff Clack en une journée. Heureusement, ce n'est pas tous les jours comme ça, mais j'ai failli fondre en larmes. Bonne résidence et à bien vite. 25 avril. Salut les loulous. Un mail, suite aux quelques jours de résidence ici à Noyers. Après écoute de tous les enregistrements d'impro,

s'enlever sur l'étrier gauche, passer la jambe droite par-dessus la croupe, sans toucher le cheval, en pliant un peu le genou. Rapporter le pied droit près du gauche, le genou gauche fixé à la selle, le haut du corps un peu penché en avant. Placer en même temps la main droite sur le trousquin ou sur la palette, en la glissant le long des rênes sans les abandonner, et rester un instant dans cette position. Descendre légèrement à terre, les talons sur la même ligne, abandonner l'écrin, faire un pas vers la gauche en glissant la main droite le long de la rène gauche et en se replaçant à la position du cavalier avant de monter à cheval. Les cavaliers doivent être exercés à monter du côté hors-montoire et à mettre pied à terre de ce côté, ce qui s'exécute comme il est prescrit ci-dessus. Voilà, mettre pied à terre. Oui, en fait, simplement, il nous a semblé que les raisons pour lesquelles on n'arrivait pas, nous, à produire ce travail lié aux contraintes du CD, ça pouvait aussi résonner par ailleurs chez d'autres personnes. On sent que c'est quand même quelque chose de courant aujourd'hui, cette espèce de manque de temps. Alors, pour autant, on gère un petit peu notre temps comme on le souhaite. Enfin, là, on est, je ne sais pas toi, ton statut, Emmanuel, je suis désolé, mais on est indépendant, quoi, grosso modo. Donc, on n'a pas des contraintes de salariés avec un travail quotidien, avec des horaires fixes ou quoi que ce soit. Et pour autant, il y a une véritable souffrance du manque de temps. C'est permanent, qui correspond aussi, enfin, pour dire des choses un petit peu évidentes, mais à l'accélération aussi du rythme de la société, aux nouveaux techniques de communication qu'on a entre nous, et donc cette espèce d'astreinte permanente, de manière de communiquer permanente, et du coup, on n'arrive pas à trouver du temps en commun, et ça nous a paru quand même assez intéressant de venir le prendre en compte et en parler, quoi. Et donc, ce que vous avez entendu, par exemple, c'est des extraits de mails qu'on s'envoyait. Pour justifier du fait qu'on n'arrivait pas, en fait, on n'arrivait pas à se réunir. Ouais, ça a été vraiment, enfin, pour compléter, une vraie souffrance, de dire, mais en fait, comment on continue et comment on fabrique ensemble? Mais c'est une vraie souffrance de dire, on est quand même pris par des contraintes où faut quand même vivre et manger. Donc, tous les temps de travail qu'on va consacrer ailleurs, c'est du temps en moins pour Jeff Clack où on est bénévole, mais on travaille. Et en même temps, on a quand même fabriqué quelque chose. Enfin, le côté qui nous caractérise, et je trouve qu'on a une forme qui se rapproche de nos idées. C'est un espace ici de création dans Jeff Clack qu'on affine et on peut vraiment trouver une expression propre où on peut être avec une certaine poésie, moi je trouve. Et on a fait, et en fait c'était assez magnifique de pouvoir faire appel à Emma Loriot je ne veux pas dire de bêtises. Astrologue. Donc on on était vraiment démunis. On s'est dit, mais comment on fait avec toutes nos matières? On a envie de parler, d'être dans une auto-enquête, mais en même temps, on n'a pas envie que ce soit complètement centré sur nous. Comment on fait? Et on l'a appelé un peu, ça me fait rire, parce que tout à l'heure, l'extrait qu'on a entendu, en plus, il y a beaucoup de chevaux, de taureaux, là, dans tout ce qu'on a entendu. Et ça, j'aime beaucoup entendre depuis le début, parce que je me dis qu'il y a des espèces de permanence qui infusent malgré nous. Et aussi, le fait qu'on a entendu Boris Norman, on a fait appel à Boris Norman, et puis ça crée cette espèce de forme. Et là, on a Emma Loriot qui va plancher sur notre thème astral. Parce qu'en fait, il nous fallait une compréhension de nous, notre groupe, de comprendre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et en fait, ce moment-là, c'est même, enfin pour moi, là, j'ai senti ce montage dans Sinon, on dit qu'on s'est fait piquer le CD, comme le fait de recoudre, de retisser du lien, de retrouver du sens. Vraiment, le montage, pour moi, comme quelque chose de très... pourquoi on fait de la radio, tous, pourquoi on fait de la création sonore, ça a retissé des choses, ça redonne du sens, ça redonne de toute façon de l'énergie, toujours. Et ça pense les choses, au sens vraiment penser ANPANSER. Et se dire, en fait, on va continuer et on va pas lâcher, on va continuer à faire ça. Et ça donne des billes de compréhension aussi sur nous-mêmes, quoi. Et voilà, et on continue puisqu'on va faire Terre de Feu. Et on appelle à contribution, bien sûr. C'est-à-dire, si vous avez envie de participer à Terre de Feu, c'est vite maintenant qu'il faut envoyer les propositions. Parce qu'on rouvre là, cette fois, puisqu'on s'est un peu dit, ça a été dur de se dire qu'on fait tout ensemble encore là, avec ce numéro. Mais on y a réussi, mais sans faire de CD, etc. Donc là, on va faire un CD. Si vous avez vu le support matériel, on y tient. Mais on ne sait pas si ça va être la forme du CD, parce qu'on se pose des questions sur les supports, parce qu'on se pose toujours des questions sur tout ce qu'on fabrique. L'idée, c'est de nous envoyer des propositions, si vous le souhaitez, que ce soit d'ailleurs sonore, mais aussi visuel, image, autour. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les surgissements, ce qui couve, ce qui fait que advient des éruptions. Donc éruptions volcaniques, cutanées, de révolte, enfin tout est possible. Et l'idée, c'est pas tant l'éruption en tant que telle que ce qui couve ou ce qu'il y a après, les cendres, comment ça circule et ça continue. Ouais, voilà. Les conditions de l'éruption. l'éruption, plus que l'éruption elle-même, qui n'est pas obligée d'advenir. Et on a vraiment ça entre les braises et les cendres, enfin l'avant, l'après, et ce pas seulement couvre. Le pic de la chose qui advient. C'est un peu comme ça qu'on pense le truc, y compris pour la partie papier. Et donc céder. Voilà. Oui, non, on disait qu'on recrutait, effectivement, alors il y a plusieurs moyens, effectivement, on pouvait envoyer un son, là, comme on fait un appel à projet sur le prochain numéro, alors il faut vraiment se dépêcher parce qu'on n'est pas hyper en avance, donc d'ici la fin du mois, grosso modo, début du mois prochain. Et sinon, il y a évidemment la possibilité de nous rejoindre, à travailler avec nous. Donc, travailler avec nous, ça veut dire faire des réunions, on discute, on fait de la philosophie et on fait de l'admin. On parle production, on réfléchit au thème, on fait du son. Enfin, voilà, c'est assez vaste en fonction des envies que vous avez. Justement, les enjeux, c'est un petit peu aussi que chacune trouve sa place, en fait, sur ce qui l'intéresse, ce qui l'intéresse pas. Et il y a un plaisir du travail collectif qui est évident. C'est un groupe qui est assez passionnant. Et donc, oui, on se posait la question du CD. Donc, et moi, à titre d'exemple, moi, j'ai été recruté parce que j'avais critiqué le format CD de Jeff Clack. J'avais dit, viens donc travailler avec nous, voilà. Puisque tu critiques. Et donc, elle m'avait invité à travailler. Donc, ça s'est hyper bien passé, à tel point qu'il n'y a pas eu de CD. Voilà, donc pour la blague, voilà. Et non, et vraiment, justement, c'est un groupe qui est en capacité de se remettre en question, de remettre à plat les choses de manière assez permanente, quoi. Et ça, ça fait vraiment du bien dans des milieux où il peut y avoir aussi beaucoup d'ego, d'artistes, d'habitude, beaucoup de personnes, voilà, qui ont envie de créer une marque autour de leur nom ou quoi que ce soit. Là, c'est vraiment tous les enjeux sont remis à plat, quelles que soient les personnes qui parlent, tout le monde s'écoute, se respecte. Enfin voilà, c'est des manières de travailler qui sont passionnantes, quoi. Peut-être on enchaîne juste pour parler d'une autre forme, brièvement, sur des numéros qui n'ont pas eu... le groupe son n'a pas produit, par exemple, une énorme pièce sonore collective comme pour celle de Cheval ou pour Pied-à-Terre. Il y a deux autres numéros qui circulent là, par exemple Cheval de course. On va vous faire écouter un petit extrait, une petite pièce, en fait, autonome, qui a été faite collectivement. Là, par exemple, ce numéro, donc, il était autour de l'idée de la mise en jeu, du pari, du risque. Et là, c'était juste après celle de Cheval. Donc, il y avait eu ce renouvellement massif, ces départs massifs du groupe son. Moi, je suis arrivée à ce moment-là, par exemple, et on était pas mal de nouvelles. On n'était que des nanas, en plus, pour ce groupe son-là. Et là, on a toutes fait des pièces individuelles. Et en plus, on a produit deux pièces collectives, mais assez courtes. Et des interstices qu'on a pensé tout ensemble pour créer un rythme, en fait, entre chaque pièce du CD. Oui, c'est ça, que le CD, il constitue aussi un récit, globalement. Voilà. On essaye de le penser, ça, à chaque fois. Alors, ça peut être une pièce, mais pour le coup, quand il y a plusieurs pièces, c'est comment est-ce qu'elles s'articulent les unes par rapport aux autres et comment la globalité aussi fait sens, quoi. Et ouais, et pour le coup, celle qu'on va vous faire écouter, elle est aussi dans un truc très léger, parce que là, on peut être carrément flippant avec notre truc de jamais y arriver, parce qu'en fait, on y arrive. Et il y a quand même. Simple. Ouais, c'est quand même souvent simple. Quand on dit qu'on recrute, c'est pas tant qu'on recrute qu'on adore rencontrer des nouvelles personnes, et vraiment, c'est hyper ouvert. Et on arrive toujours à trouver des modes de circulation entre nous, quoi. Donc voilà. Et il y a des fois où ça se passe de façon hyper ch'tique, fraîche et simple comme ça. Et la règle du jeu, c'est cette pièce-là. Tu veux peut-être raconter juste la contrainte qu'on s'était donnée. On écoute. Ouais, on écoute. Ouais, voilà. Alors, c'est un jeu tout simple qui a l'intérêt d'être un jeu assez facile à expliquer. Je veux d'abord t'expliquer après. C'est un jeu d'argent, déjà. Si on joue sans argent, ça n'a aucun intérêt. En fait, il y a marqué « Le plus jeune joueur pioche une carte qu'il veut ». Alors, ça se joue. C'est un jeu de cartographie. Le principe, c'est que tu vas devoir gérer des touristes. Mais c'est un peu un jeu de colonie. Dans les trains japonais. Le but du jeu... Je crois que c'est un truc comme ça. On représente des exploitants de pierres précieuses. Par contre, je me rends compte que j'ai plus trop les règles en tête. C'est quoi les trucs les plus forts déjà ? Valet 9, 10, roi, dame. Non, moi je crois pas. Valet 9, 10, roi, dame, as. S'il n'y a pas de paire, la plus forte ça va être l'as. Après le roi, la dame, le valet, le 10, le 9, jusqu'à 2. Et jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise non, tout le monde dit bah, je fais pas c'est mieux. Pas que tu vas faire, quoi. Il faut que j'explique ce que c'est qu'une paire, une double paire. Et donc on a le choix entre, une douzaine de persos dans celui-là. Un bonhomme gros et 9 bonhommes petits. Et ils ont chacun leurs caractéristiques spécifiques. Blanc, c'est humain. Les verts, en gros, c'est les elfes. Les Yama bêtes. Otoko, vert. Oshiakata. Les rouges, ça va être les gobelins. Yamaguchi-kun. Et le jaune, c'est un peu particulier. Les bleus, ça va être les ondins ou les sorciers. Omoyagata. Et les noirs, des zombies, des vampires, des squelettes. Takenotsue. Et des démons. Tokosti Shemu, c'est l'onyx, je suppose. J'annule ce que je viens de dire. Ça, c'est le début du jeu. Panier. De chaque panier. Corbeau. Vert. Pas de vert. Donc tu ne prends pas de pommes. Ou alors on prend ces deux cartes, plus trois cartes, ou une carte, plus quatre cartes. Et ça mélange bien. Comme ça, celui qui l'a mis en dernier, il pioche. Deux cartes. Trois cartes. Et là, il y a un premier tour d'enchère. Enchantement, rituel éphémère. La girafe. Terrain. Le crocodile. Sept jetons noirs. C'est parti. Go. Le zèbre. Créature. Gyokushite. Il y en a quoi? Gyokushite. Gyokushite. Le tigre. Ah, artefact. Deux fois la big bleed. Ouais, je crois que c'est bon. Voilà. Juste exactement ce que j'ai dit. Ah non, parole, faut qu'il mette au moins la surbline. C'est le big bleed qui va dire parole. Et ça va jusqu'au surbline. Et chacun parle. Je vais pouvoir poser mon terrain, l'engager pour avoir un mana rouge, jouer le gorille avec de ma main. Gorille. Du coup, c'est très cool. Ce terrain est un terrain ferme qui est à la fois une montagne et une forêt. Mon gorille sera aussi une créature 2-3 dès le premier tour. C'est clair ? Belote. Comment ça, belote ? C'est quoi, belote ? Maître. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai le roi et la dame, c'est le 20 points en plus. C'est un jeu qui est très très compétitif. 69, 72, 74. Et vous, 88 ? C'est souvent ce qui fait que les gens continuent à y jouer, ou arrêtent d'y jouer justement, parce que c'est ça, c'est, ça ressemble vraiment à un sport, sans avoir aucun effort physique, mais ça reste... Mais non. Vous avez gagné, là. Parce qu'en fait, celui qui en a moins, il a perdu, et celui qui en a plus, il a gagné. Moi, j'en ai plus, j'ai gagné. Et si on continue à mettre, oulala, je vais gagner, gagner, gagner. Et ça, en fait, tu pleurais. Voilà, voilà. Donc ça... comme vous avez sûrement compris, on a tout enregistré, quelqu'un raconter une règle du jeu, et puis on a un peu brassé ça, fait un montage collectif. Je sais plus si. Aussi, quand même, c'était marrant parce qu'on s'était. Il y avait un ordre, on avait fait des jeux parce que quelqu'un commençait le montage, ensuite t'envoyais ton montage à quelqu'un, voilà. Tu réincrustais ce que t'avais mis dedans, donc tu pouvais te permettre de couper des choses, puis tu renvoyais ton montage. Et enfin, ouais, c'était quand même on s'était bien amusé. Ouais, ce numéro sur le jeu, il était super parce que du coup, le thème nous permettait nous donner des contraintes formelles, ouais. Qui étaient quand même assez fandards. Enfin, ça faisait du bien déjà par rapport à l'ampleur de ce qu'on avait vécu avant, mais c'était très rigolo. Et c'est vrai que là, on s'était parti d'un truc à se raconter que dès qu'on essaye d'expliquer une règle du jeu à quelqu'un, en fait, on n'y comprend jamais rien, enfin, souvent. Et du coup, c'était un peu ça l'idée de départ. Bon, voilà. Mais c'était... Et c'est vrai qu'on l'a monté comme ça, par... Je crois qu'il faut vraiment qu'on arrête. Mais on peut discuter à l'extérieur. Et les revues sont en vente dans la librairie. Merci, c'est vrai. Et juste, je voudrais juste dire une dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est le 8 février. Et en fait, c'est le 48e anniversaire des événements qui ont eu lieu au métro Charonne en 1962. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une manifestation contre la guerre d'Algérie, pour la faire courte, qui a dégénéré et a été très fortement réprimée par les forces de l'ordre. Il y a eu plusieurs morts. Et donc, il y a une pièce dans le numéro Course à pied qui était sur l'idée de se sauver. Et donc voilà, en écho à ce qui continue de se passer aujourd'hui, les violences policières